Si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Van Anecker. Bonsoir. Bonsoir Dominique Delaroa. Alors, votre femme a appelé. Elle a annulé les courses que vous deviez faire au Super U. Ah bon, elle a dit de toute façon, c'est parce qu'il n'y avait plus de Mars et de sneakers, voilà. Et donc, c'est annulé. Et ben vous ne pouvez pas rentrer en Belgique ce week-end, hein, c'est bloqué. C'est vrai. Bien joué. Ouais. De la Roa Van Unaker, un partout. Eh bien, vous nous en direz un peu plus demain, probablement, voilà. Parce non, qu'il y a 18 heures. Un de ce jour, oui. D'accord. On a hâte de vous retrouver. Hein. Merci. Moi, j'aime bien vous passer des petits messages. Ben, merci beaucoup. Allez, on vous embrasse. Écoutez comment nous avons préparé cette émission ce matin. Salut les amis. Salut Charline. Alex, t'es où là? Ah, pas là. Hein? Non, il est pas là. Ah non, non, non, vous n'avez pas commencé. Ah bah non, ça c'est la règle de l'émission. Mais non, on reçoit Vianney, d'accord, mais pas de blagues à base de t'es où. Non, voilà, mais ça, c'est, on oublie tout de suite. C'est pas ça, mais c'est... Alex, t'es où là? Non, hein? Mais en fait, il est pas présent. Non, pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est pas là. Ah bon? Il est pas là. Mais non, mais attendez, mais comment on va faire? C'est lui le spécialiste en chanson française de l'émission. Non, mais il s'intéresse qu'aux chanteuses, Alex. Bah oui, encore, celle qui en fait moins de 3 liftings, ça l'intéresse pas vraiment. Mais oui, puis il y a Mélanie Bauer, elle s'y connaît en musique, Mélanie. Mais non, mais non, mais Vianney, il a vendu plus de 12 albums, donc Mélanie, elle va jamais le connaître. Ouais, ça, c'est vrai. Non, on va jamais s'en sortir. Bon, alors c'est quoi son actu à Vianney là? Bah, il vient de gagner une victoire de la musique, oui. Meilleur artiste masculin. Ah waouh, ça c'est balèze. Ouais, il a battu Kenji Girac. Ah, bah, du coup c'est moi balèze. Ouais. Bon, alors c'est quoi son parcours? Bon, alors collège Notre-Dame des Oiseaux dans le 16e, ouais. Saint-Cyr pendant 3 ans, ouais. Puis école de commerce. Ouais, c'est un punk à chien quoi le gars. Non, non, Guillaume, pas de mauvais esprit. Hein, on respecte toujours le parcours des invités. Non, non, mais je respecte. Je pense sincèrement que c'est un punk à chien, sauf que son chien c'est sûrement un caniche quoi. Non, non, non, on va pas y arriver. Mais si. Mais si, bon, alors attends, on va réécouter l'album. Il est où? Pas là, voilà, il est pas là, il est où? Pas là, vous êtes content, c'est ça que vous vouliez. Non, hein, mais attends, mais Charline, mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je craque, moi, je Non, mais craque. Attends, Charline, mais reviens! Charline! Ah, bah, elle est plus là. Du tout. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui assouplit les codes de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont travailler plus pour le même salaire, parce qu'il paraît que c'est moderne. La jungle de Calais ne sera pas évacuée ce soir, comme prévu. Saisie par 10 associations et des réfugiés, la justice entre en jeu. Et sa décision n'interviendra pas avant demain ou jeudi. Les médias étaient sur le qui-vive, mais c'est le statu quo. Nous vous parlons en direct de l'entrée du district 9, le camp de réfugiés qui a été installé pour séparer les aliens du reste de la population. Alien signifiant l'autre, rappelons-le. L'écoute de la musique en streaming ouvre le champ des possibles et notamment un océan de playlists qui permettent de jouer sur l'effet de surprise. Le prêt-à-porter défile à Londres en ce moment. Le Brexit et l'ambiance morose influencent, paraît-il, les créateurs. Donc les metteurs en scène des défilés doivent s'adapter. Évidemment, là, il faut vraiment imaginer avec une chromie saturée, un son planant, créer l'ambiance Virgin Suicide, quoi. Voilà, et moi je suis accompagnée d'une joyeuse troupe dont les codes vestimentaires peuvent provoquer le suicide de n'importe quel créateur. Sauf peut-être Mélanie Bauer qui pourra le sauver. Ah, je suis absolument nulle en mode. Puis en plus, aujourd'hui, je vous fais écouter du punk chinois. Waouh! Wow, c'est moderne. Après 17h30, le chantre de la fibre équitable, Guillaume Meurice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je me suis formé aujourd'hui à l'art de la répartie avec un professionnel, Bruno Adler, qui a écrit un livre sur ce sujet. Vous allez pouvoir lire mon livre qui est moins pourri que vous pouvez le penser, et peut-être qu'après en vous entraînant vous allez y arriver. Bam, dans ma face, hein, il m'a donné une leçon le Bruno. Et puis on a le spécialiste du pull à bouloche, mais aujourd'hui il n'y en a pas, c'est Marius Colucci. Bonjour. Oui, il n'y en a pas encore, mais ça va venir. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de robotique et surtout des changements que ça va faire dans la société civile. Si tu écoutes J'annule tout est présent dans un monde virtuel, je vous le rappelle, sur Twitter hashtag annule tout et sur Facebook devenez notre ami imaginaire. Aujourd'hui le référent de la République qui préside cette émission est née sous François Mitterrand. Vous commencez à apprendre la guitare en 2003, c'est l'année où Carla Bruni chante « Quelqu'un m'a dit ». Vous sortez votre premier album « Idée blanche » et jouez en première partie de Florent Pagny en 2014, quand Pharrell Williams chante « Happy ». Et vous recevez votre première victoire de la musique « Album Révélation » en 2015, quand la révélation masculine de l'année, c'est Emmanuel Macron. Mais vous êtes, je vous laisse tout l'annoncer, vous êtes... Vianney. Ah oui. C'est oui. Sur France Inter, Charline Van Unaker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. On a réussi à avoir Vianney une heure pour nous tout seuls sur France Inter. Car vous êtes en tournée, Vianney. Une tournée qui passera notamment par Brest le 28 avril, à Paris à l'Olympia le 10 mai. Et vous passez aussi à Genève, on salue nos auditeurs suisses. Ce sera le 17 mars et à Luxembourg le 7 avril. Vianney, le corollaire de votre succès, j'imagine, c'est que votre public connaît pas mal de vos chansons par cœur. Alors je me disais, qu'est-ce que vous essayez de faire peut-être pour le surprendre pendant votre tournée? J'imagine qu'au fil du temps, il y a des choses qui surviennent, qui changent, et vous essayez de les surprendre. Ouais, complètement. Alors déjà, le format, c'est un guitare-voix pur et dur, donc je revisite vraiment toutes les chansons de l'album, quoi. Donc je propose une version assez différente de l'album, et puis j'ai des copains qui viennent chanter assez souvent avec moi, peut-être les trois quarts des dates. Ah, peut-être donc, à Genève, il y en aura pas mal, mais non. J'en sais rien. Florent Pagny, Genève, c'est un truc. Aznavour, Ah vrai. Il y aura des tennismans aussi. Oui, alors, blague à part, il y a des chanteurs, des collègues qui viennent nous accompagner arrivé, de temps en temps, par exemple. On a chanté avec Tété, avec Raphaël Lanader, avec Maxime Le Forestier, Louane, Joy Jonathan. Ça peut être un peu n'importe quel registre, voilà. Voilà, pas que ceux qui sont sur votre label, qui s'appelle Tôt ou Tard, et qui rassemblent des Fersen. Même si ce sont évidemment mes préférés, j'essaie de les laisser un peu tranquilles aussi. Alors, vous rencontrez votre public, là il y a un contact physique quasiment. Est-ce que ça vous permet de savoir aussi comment votre public reçoit vos chansons, et ce qu'il retire de vos chansons ou de vos concerts? Complètement. Ouais, complètement. Déjà leur tête, je dois dire, que j'observe. Est-ce qu'il est beau, votre public? Ouais, il est beau, mon public, franchement. Il est beau, il est varié surtout. Il y a tous les âges. Il y a un petit peu plus de filles, mais il y a quelques mecs aussi. Peut-être qu'ils suivent leur femme, ou je sais pas. Mais enfin, il y a un peu de tout. Et les visages, qu'est-ce que vous voyez des visages? C'est tellement un échange, ce concert, vu que c'est ce guitare-voix où j'encourage tout le temps les gens à chanter, à s'approprier les chansons, etc. Je les fais beaucoup participer. Je vois, les visages sont détendus, ça chante beaucoup, ça commente ce que je dis aussi, c'est assez rigolo. C'est pour ça que chaque concert est finalement très différent. C'est ce que je cherchais aussi avec ce format-là. Mmh. Et c'est les gens qui font une grosse partie de ce concert-là par leurs émotions, par ce qu'ils semblent vivre, quoi. Voilà. Mais vous dites que vous faites guitare-voix, mais vous faites des samples aussi, des boucles, non? J'ai regardé quelques vidéos. Ouais, j'habille les chansons avec une guitare et ces pédales un peu magiques qui répètent les boucles. Est-ce que vous trouviez que c'était trop brut, sinon, guitare-voix ou... Il y avait un petit manque. Sur des petites salles, c'est bien, mais plus ça grossit, plus il y a quelque chose qui manque. Et là maintenant, on a quelque chose de bien. Et est-ce que votre envie plus tard, c'est justement de jouer avec un vrai groupe? Pas trop. Non, vous n'aimez pas les gens, en fait. J'adore les gens. J'adore les gens, mais j'adore aussi pouvoir avoir une totale liberté à chacun de mes concerts. Et c'est ce format-là me permet de changer les chansons, de les raccourcir, de les allonger selon ce que les gens me renvoient, etc. C'est pour ça que je dis que c'est un vrai échange. C'est que vraiment, je suis moi-même très libre. Je sais pas vraiment ce que je fais à la guitare. Je connais pas les notes, donc je me sens libre. Ah, c'est ça. Je me sens... voilà. Exactement. Donc je me sens libre quand je joue. Puis ça, et je veux garder aussi, ce truc-là. Ça évite aussi d'avoir un son variété, on peut le dire. Guitare-voix, c'est Il y a un truc plus brut, bien sûr. Il y a quelque chose de beaucoup plus folk que variété française. Complètement. Et ça, c'est beau. On rappelle que Vianney, vous avez reçu la victoire de la musique meilleur artiste masculin de l'année. Il y a aussi un... On reçoit pas n'importe qui. Évidemment, bien sûr. Vous racontez de vos chansons. Je rappelle qu'il y a votre album qui s'appelle Idées Blanches. Vous dites il faut que ce soit intelligible, ce que je raconte aussi, ça vous y tenez. Puis il y a le poétique et l'intelligible. Et il faut qu'il y ait quelque chose à manger dedans, dites-vous. Donc, ça vous fait plaisir quand les gens retiennent quoi de vos chansons? Est-ce que c'est simplement, ça va au-delà de passer un bon moment? Il y a une poésie, votre objectif? J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas, comment dire, je préfère qu'une chanson clive de par son relief plutôt qu'elle laisse à peu près indifférent ou qu'elle soit lisse. Donc c'est pour ça que je dis que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à grignoter. J'essaie d'apporter un relief de sens, de forme, de fond, pour provoquer quelque chose, en fait, pour faire le poil se hérisser, ou je sais pas, rire, sourire, pleurer, quelque chose. On va essayer alors, par exemple. On va vous écouter Vianney sur France Inter. Il est avec nous jusqu'à 18h. On écoute Tu le sais. C'est un extrait de Idée Blanche. Vianney est en tournée dans toute la France et même ailleurs. Parfois je vois les détails qui te gênent et j'en écris des tirades, des poèmes. Pousse souvent sur ma langue des aiguilles affûtées. Sans effet boomerang, je vais te piquer. C'est un peu la chanson de l'amoureux du mecton qui tue à part amour et se retrouve en prison. Que des bons, que des bons, que des bons, que des bons, que des bons sentiments. Dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Et tu le sais, dis-moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Ton rire, je dis n'importe quoi. Si ça ne te fait pas sourire, j'ai manqué ma proie. Le daltonien te dira que la pelouse est bleue. Moi pour te dire que j'aime bien, je m'écris cet hideux. Y penses-tu maintenant lorsque tu m'entendras te charrier mon enfant, c'est pas ce que j'ai pour toi. Que des bons, que des bons, que des bons, que des bons, que des bons sentiments. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Que des bons, que des bons, que des bons, que des bons, que des bons sentiments. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, moi je n'ai rien de méchant. Et tu le sais, dis, que tu le sais, dis-moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Et tu le sais, dis, que tu le sais, dis-moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Oh, ah, là, oh, oh, oh, oh. Je vois le détail qui te gêne et j'en écris des tirades, des poèmes. Parfois je teste ton rire, je dis n'importe quoi. Si ça ne te fait pas sourire, j'ai manqué ma proie. Oh, oh, oh. Que tu le sais, dis, que tu le sais, dis-moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Que tu le sais, dis, que tu le sais, dis-moi que tu sais que derrière toutes ces conneries, ce n'est jamais dit pour te blesser, dis. Ce n'est que parce que je t'aime que je te châtie. Mmh. Mmh. Tu le sais, Vianney est avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Et autour de cette table, il y a Mélanie Bauer qui nous parlera de punk chinois, figurez-vous. On en écoutera. Parce qu'on est des glingos. Un peu comme Vianney, mais... On est des glingos sur électrique. France Inter. En chinois. Marius Colucci aussi avec toute sa science. Hein, Marius Colucci, oui. Alias Coluccipedia, comme vous appellent vos amis. Et Guillaume Meurice, bien sûr. Vianney est en tournée, notamment à Brest le 28 avril ou à Paris à l'Olympia le 10 mai. Il sera aussi à Genève ou à Luxembourg. Et en attendant, Vianney, quelques informations, hein, parce que comme vous êtes en tournée, j'imagine que c'est plus difficile de suivre l'actualité. Oui, j'avoue. Oui, ah ben, on va se faire un devoir de vous informer. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence avec les titres. Oui, la cote de popularité de François Hollande est en nette hausse. Quoi, qu'est-ce que vous racontez, Non, mais attendez, non, laissez-moi finir. Ouais. En nette hausse au Pérou, où il est en voyage officiel depuis ce matin. Oui, je préfère, oui. Oui, laissez-moi finir aussi, c'est important. D'accord. Bon, pendant ce temps-là, en France, la loi sur le travail de Myriam El Khomri continue de faire l'unanimité. Non, qu'est-ce que vous racontez, Guillaume? J'ai pas fini. D'accord. L'unanimité, donc, au sein du MEDEF et chez les marchands d'esclaves. Ah oui, non, mais c'est plus logique. Ben oui, mais vous me laissez pas finir aussi, c'est pénible. Bon, et il y aura des brèves aussi, parce que toute l'équipe adore ça. Mais c'est pénible. C'est Maddy, Alex Vizorek. Ah oui, bah, je comprends mieux. Mais laissez-moi finir aussi. l'habitude avec vous, oui, c'est tout. Voilà. Bon, alors on va commencer avec les voyages de François Hollande. Hier en Polynésie, aujourd'hui il est en Amérique latine, au Pérou, où l'on retrouve notre envoyé spécial Guillaume Meurice. Ah non, c'est pas Guillaume, c'est Marius Colucci. Guillaume nous a fait une allergie au pollen à cause des fleurs en Polynésie. Ouais, il a doublé de volume et il est tout rouge. Les habitants ont même cru à une visite surprise de Gérard Depardieu. Ah bon, d'accord. Bon, et quel a été l'accueil de la population sur place, Marius ? Ah, excellent. Excellent accueil de la part de la population, logique, hein, les champions de la flûte ont très bien reçu le roi du pipeau. Il est sur place pour faire du business, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Charline, et ça marche très très fort, il est décidément très bon dans le domaine des affaires. Ah oui, il a vendu des rafales, vous voulez dire Non, mais par contre, il a superbement négocié 3 Machu Picchu miniatures en céramique, une peluche de lama et un poncho en alpaga. Bravo, bravo, écoutez, on est presque sauvés, on se fait du souci pour lui, il n'est pas trop fatigué quand même, Un peu quand même, hein. Il a le syndrome de Johnny en tournée. Il sait pas où il est. Ce matin, il a failli descendre de l'avion en criant « Bonjour Buenos Aires !» Ah oui, alors qu'il était à Lima, oui. Et oui, et surtout qu'on n'avait pas encore atterri. Ah oui, c'est gênant, oui. Merci Marius, en tout cas, prenez soin de vous. Hein. Voilà, on enchaîne sur le travail à présent. Hein. La loi continue à créer un gros malaise en France. Oui, si elle continue comme ça, le CDD de la ministre Myriam El Khomri pourrait ne pas être renouvelé. Ah oui, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu le renouveler une fois. Deux. Non, c'est une fois, le CDD c'est une fois. Bah non, c'est deux fois. Non, enfin, une fois. Si vous voulez, on demande directement à la ministre. Ah hein. Non, elle ne sait pas, de toute façon. Ça ah oui, c'est vrai. De toute façon, elle va finir par se faire virer. Oui, ça lui apprendra à faciliter les licenciements. Voilà, on enchaîne avec Claude Guéant, qui a été mis en examen. Ça c'était facile, ouais, Guillaume, facile, j'avoue. Mais mis en examen, pourquoi? Attention, on fait tourner la grande roue du suspense. Attention, pour quelle affaire? Attention. Attention. Les sondages de l'Élysée. Bravo Claude. Et chez vous, n'hésitez pas à jouer au bingo de Claude Guéant. Voilà, des chèques cadeaux Big Malion à gagner, des t-shirts Édouard Balladur. Génial. Voilà. Sans transition, scandale alimentaire. Des bars Mars sont retirés de la vente. On aurait retrouvé des saloperies dedans. Là, c'est quoi l'info? Il y a des saloperies dans les bars Mars. Enfin, ça, il y en avait déjà, je veux dire. Oui, d'accord. Là, il y en a encore plus. Mais comment c'est possible? C'est ça l'info. On savait pas que c'était possible d'en mettre plus. La réponse est oui. Oui, très bien. Alors, international à présent, un cheikh irakien a lancé une fatwa anti-chocolat. Oui, on savait déjà qu'ils avaient des problèmes avec la nourriture, vu qu'ils portent des nappes de pique-nique en guise de couvre-chef. Et on termine avec des brèves. Oui, elle est toute simple et elle va faire plaisir à Alex Vizorek s'il nous écoute. Tenez-vous bien, ivre, il se fait arrêter alors qu'il se rendait à sa cure de désintoxication. Problème merci de timing, quoi. Maurice, voilà. C'est merci Malo. Marius Colucci, envoyé spécial au Pérou, qui est merci de Charline. Retour parmi nous avec Vianney, qui est notre invité, jusqu'à 18h. Et on va connaître le Vianney citoyen qui est autour de cette table avec nous, avec le premier sujet. Une partie de la jungle de Calais devait être évacuée sur ordre de la préfecture, mais un juge a été saisi par 10 associations et plus de 200 réfugiés. Le juge a visité la jungle pour dire si une évacuation est une violation des droits fondamentaux des individus. Voilà donc un sursis d'un jour ou deux à peine. Mais d'ici jeudi, le préfet de police, je vous préviens, je l'ai entendu, il est chaud bouillant. Bon les gars, parés pour la démolition ! Alors, en avant ! Et soudain, j'ai vu arriver une pelleteuse. Tout s'est écroulé. Je me disais, c'est pas vrai. Car je n'ai jamais rien vu de tel. Alors nous avons arraché le toit, il est temps de démolir le reste. Ouais. Et voilà. Et voilà. Il est en forme, Cazeneuve, hein. Il est chaud, patate. C'est un extrait d'une émission qui s'appelle Les Maçons du Cœur. C'est un truc américain, encore une fois, évidemment. Alors, pour en revenir à la jungle de Calais, parce que quand on entend que la moitié de la jungle va être évacuée, on imagine un peu les bulldozers et l'évacuation musclée. Alors, il paraît que ça va se faire dans le dialogue, mais ça, on aimerait savoir comment. Vous, Vianney, vous êtes quelqu'un d'engagé, notamment auprès des sans-abri, déjà. Il y a d'ailleurs une chanson qui évoque un peu ça dans votre album. Vous avez participé à l'opération Hiver Solidaire, qui, si je ne me trompe, est organisée par le diocèse de Paris. Et puis, vous avez été scout. Donc, je me demandais, est-ce que ça fait beaucoup, quoi. Est-ce que c'est notamment la charité chrétienne qui... C'est beaucoup quoi. Pour Mélanie Bauer. Voilà. Je sais pas si une histoire est possible entre vous. Mais un peu de tolérance, Mélanie, un peu de tolérance. Mais oui, mais ouvrez vos chakras, Mélanie. Enfin. Alors, est-ce que c'est notamment une forme de charité chrétienne qui vous anime, en ce sens que vous avez été éduquée pour ça, j'imagine que pas que, mais est-ce qu'il y a une fibre qui est développée quand on est enfant, qu'on fait les scouts Carrément. Moi, c'est au scout où j'ai commencé à rencontrer des sans-abri, à passer du temps avec eux, Alors, n'en déplaise à Mélanie, à dîner avec eux, à déjeuner avec eux, à dormir avec eux. Alors jouer de la musique aussi. Exactement. Ouais. Donc c'est au scout, moi, que j'ai appris ça et j'ai appris le bien que ça pouvait faire non seulement à ces gens et puis à moi-même, à mon âme, à ce que je suis, à ce que je ressens, à ce, que je, voilà, ce à quoi je me destine en tant qu'être humain. Donc, je sais pas, c'est un truc qui m'a finalement jamais quitté. Et puis cette mission Hiver Solidaire, elle est encore d'actualité, hein, c'est tous les hivers. Donc, ouais, voilà, et cette question des migrants... Bah, elle vous touche, j'imagine, évidemment, comme nous, tout un chacun, mais vous peut-être avec ce prisme-là en plus. Que pense l'ancien scout ou l'homme engagé que vous êtes là-dedans de la probable évacuation d'une partie de la jungle de Calais? Est-ce qu'il faut régler le souci de cette manière-là? Est-ce que ça va déplacer le problème? Est-ce que vous brûlez peut-être d'y aller, de faire quelque chose, d'aller... Non, moi ce qui me rend triste, c'est le désespoir qui est partagé des deux camps. Enfin, tout le monde est désespéré face à cette situation. Donc, je trouvais déjà que de faire ces genres de conteneurs, même s'ils sont chauds, etc., c'est pas régler le problème, parce que le problème, c'est évidemment pas... je pense pas que ces gens en soient à compter ce qu'ils mangent pas, combien ils ont faim. C'est pas ça le problème, c'est qu'il est beaucoup plus social. Donc c'est plutôt, au lieu de les parquer, de les intégrer. Et c'est ça qui est triste, c'est que ça ne puisse pas être fait pour l'instant, et qu'on parle de démolition, et que les solutions, je ne les connais pas. Je ne connais pas assez le problème, je ne suis pas du tout un expert. Mais il y a des associations qui parlent et qui le font bien, visiblement. Qui sont sur le terrain. Calme, la Bauer. Hein. Est-ce que vous sentez... Il est touchant avec son petit pull bleu marine. Je sens qu'il y a une tension sexuelle entre vous. Moi, je suis entre les deux. Alors. Vous sentez une forme d'ambiance un peu anti-migrant en France qui vous dérange? Est-ce que c'est quelque chose que vous palpez un peu? Anti-migrant franchement, non. Je crois qu'il y a, en revanche, il y a aussi du désespoir chez les Français face à ce truc-là. Mmh. Ça se traduit, ouais, peut-être par des réactions assez excessives, des votes un peu étranges, mais pour autant, je suis certain qu'on veut tous que ça se passe bien et que ces gens-là soient intégrés. C'est juste, pas tout ça. Il y a dans une grande partie du pays qui souhaite pas ça, mais. Mais globalement, on l'a fait avec beaucoup de gens. Et je crois que quand on est face à cette situation, c'est notre réaction à tous que de vouloir solutionner le problème de la meilleure des façons. Enfin, moi, je connais pas de gens, et pourtant, j'essaye vraiment de voyager au maximum, etc., en France, d'échanger. Vous avez d'ailleurs beaucoup voyagé avec peu de sous en poche, c'est l'idée, de parler vraiment à nu avec les gens, etc. Et finalement, dans le fond, je crois pas qu'il y ait un truc anti-migrant. Non, il y a un truc anti-tristesse, anti-désespoir. Chacun a peur pour soi aussi. Plus. Bah ouais, bien sûr. Et alors, Libération, dans son éditorial aujourd'hui, rappelle les paroles d'un sage homme qui ont été tenues en 2009, je vous les lis. Ces ombres qui nous rappellent les guerres d'ailleurs, ces déchets et ces abris de fortune qui révèlent un malheur s'ajoutant à la crise que nous traversons. Au-delà de la jungle, le choix est entre la civilisation et la sauvagerie. C'est François Hollande sur Slate en 2009. Eh ouais, c'est comme ça. Passons un peu à la musique et à un autre continent avec Mélanie Bauer. Alors Charline, vous m'avez demandé d'enquêter sur le papier d'Adrien Toffolet pour le magazine Society à propos du punk chinois titré « Le punk chinois n'est pas encore mort ». Alors déjà, je peux vous dire qu'Adrien Toffolet, c'est un journaliste, un type plutôt sympa, avec une bonne tête. On peut le croiser d'ailleurs ici à la Maison Ronde sur France Culture, par exemple. Puis aussi dans la presse, à Libé, il était une des plumes d'un mag que j'aimais bien, qui a disparu, comme toutes les choses de qualité, qui s'appelle Vox Pop, il y a quelques années. Bon, donc, c'était du coup, mieux avant. C'est ça? Espèce de salariat. Donc déjà, je peux vous rassurer, Charline, hein, c'est un bon journaliste. On part sur des bases solides, vous voulez dire. Il est compétent. Quand il dit qu'il est à Pékin, on peut le croire. Ah. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. Je vous invite à le lire dans Society, donc, pour parler du punk chinois. Il est fort bien documenté. Mais bon, pour les feignants qui ne savent pas lire, en gros, le rock chinois, ça apparaît début des années 80. Il est représenté principalement principalement par des groupes qui reprennent des standards anglo-saxons, des cassettes qui s'échangent sous le manteau. Un phénomène qui interpelle déjà le JT de TF1 en 1982. Les Chinois ont leur punk et c'est une révolution culturelle à l'envers. Trois jeunes Chinois de Canton, une grande ville qui se trouve environ à 150 km de Hong Kong, trois jeunes Chinois donc ont enregistré dans la clandestinité des chansons des Rolling Stones et des Sex Pistols. Oh là là ! Mais attention, tout cela interprété à la mode chinoise. Voici Parfum de la Révolution, c'est le titre du disque qui sort aujourd'hui en France, une enquête de notre envoyé spécial en Chine populaire, Patrice Drevet. Patrice Drevet, bon, pour ceux qui connaissent. Ah oui. Bon. Une révolution culturelle à l'envers, comme le dit ici le présentateur Jean-Claude Bourré, celui des ovnis. Une contre-culture, comme disent les branchés. Une contre-culture, comme disent les branchés, à savoir, selon le Larousse, l'ensemble des manifestations culturelles hostiles ou étrangères aux formes de la culture dominante. C'est un petit peu ce que nous faisons ici à France Inter avec vous, Charline. Ces manifestations, vous voulez dire des choses, vous avez le droit. Ah non, je suis d'accord avec vous et ça me fait rire. Marius Colucci opine du chef. Ok, ces manifestations donc seront réprimées violemment en 1989. Hein, on parle d'un avant et d'un après 4 juin 1989, le terriblement fameux massacre de la place Tiananmen. Bref, le mouvement punk chinois continue à se développer durant les années 90 avec cette génération qui peut revendiquer sans équivoque le No Future, génération qui passe à côté également de l'explosion économique de la Chine, ce sont les losers, comme ici Anarchy Boys. Oi ! C'est punk, ouais. Le punk chinois, c'est un punk très classique, hein, très inspiré des codes anglais de la fin des années 70, avec des paroles parfois en anglais pour ne pas choquer les Chinois, ou bien très symboliques pour ne pas critiquer de face le gouvernement, un peu comme vous, Vianney, hein, dans vos chansons. La symbolique. Oui, la symbolique. Mais merci, Mélanie. Je sens que vous taquinez, Vianney. Dans le documentaire du réalisateur Sean Jefford, Beijing Punk, sur la musique punk en Chine et la rébellion lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, vous pouvez d'ailleurs le voir, hein, sur YouTube, on découvre une salle de concert qui aura son importance, ouverte par un économiste mélomane, l'américain Michael Pettis, une salle qui s'appelle le D22 et qui encourage les groupes locaux à exploiter leur son et leur identité plutôt que de copier les bons vieux codes du rock anglo-saxon. Tout va très vite, certains groupes seront même autorisés à jouer à l'étranger, enfin pas tous, hein, faut pas déconner tout de même. Inspiration allemande, celui-là. Ah non, c'est très très bug. Ah oui, mais ça empêche punk pas. Punk allemand, oui. Alors, let's get a drink, hein, c'est les paroles de cette chanson, c'est des mérites qui, eux, tournent à l'étranger. TZ Génération, le message, c'est buvons, crions, faisons du bruit et n'essayons pas de faire du fric à tout prix, comme la société nous le dit. Quant à la répression, elle est sournoise. Dans l'article d'Adrien Toffolé, par exemple, il prend le groupe SMZB qui chante en 2006 Modern Tiananmen, à propos de la révolution, évidemment, de la place Tiananmen. Dans leur disque, on peut retrouver des photos de cet événement qui, selon les autorités, n'a jamais existé. En revanche, ils n'ont pas le droit de parler au public sur scène. Et bien sûr, ils ne peuvent pas chanter toutes les chansons qu'ils voudraient. Ils ont encore des doigts pour jouer de la guitare, ça va ? Comment ça se passe ? Ils sont vidés en salade. Mais bon, celui-là, on peut quand même l'écouter sur le net. C'est Modern Tiananmen, SMZB. J'aime bien la basse. Mais la basse, elle est belle. C'est touchant. Ça veut dire quoi, qu'elle est puissante? Ça vous a frappé la basse là? Bah, le moment là, voilà, ouais. Ça là, ouais. Ici là. Ah, là ouais, c'est beau. Bref, la situation est compliquée. Ce qui ressort de cet article et du film du réalisateur Sean Shepherd, Beijing Punk, que je vous invite vraiment à aller regarder sur YouTube, c'est que ces punks vivent au jour le jour. Ils ne peuvent pas anticiper leur avenir, évidemment, et ni se reconnaître dans le passé. Ils sont un terreau idéal pour la musique punk, comme si on pouvait toucher de nouveau l'essence de ce mouvement de 1977. Underground Baby, ce qu'on écoute. Yeah. 竭力掩饰着内部的空虚，勉强支撑着疲劳的身体，跟着外面变幻的世界去做顽强的沉默。我竭力掩饰着内部的空虚，勉强支撑着疲劳的身体。见过的东西，听着从来没有听到的声音，想着对美好未来的憧憬，然后再看看我们自己，都是一个人，都是一个人，都是一个人，都是一个人，一个人。内部的空虚，勉强支撑着疲劳的身体，看着外面变幻的世界，去做顽强的争斗。看着从来没有见过的东西，听着从来没有听到的声音，想着对美好未来的憧憬，然后再看看我们自己。 C'est du punk chinois, ce Rhabillez-vous, France Inter. Bauer. C'est bien, c'est bien. Underground, c'était en 1998. Baby. Ouais. 1998. Belle année pour la France, moins pour la Chine. Mélanie Bauer, donc, qui s'est basée sur l'article de Society qu'on vous conseille. Mélanie Bauer qui taquine un petit peu Vianney, notre invitée du jour. C'est peut-être parce que dans son album Idée Blanche et dans cette chanson Je te déteste, Vianney, vous écrivez « Si j'avais une voix et la moustache qu'il faut pour passer sur Nova, tu reviendrais bientôt ». Eh ouais. Right. De l'utilité de la moustache pour aller sur Nova. J'avais écrit cette chanson rasé, pour une. J'avais une amoureuse qui, je sais pas, qui adorait les hipsters. Et s'il y avait une radio hipster, et c'est celle que j'écoute, ma foi, et ben ce serait celle-ci. Donc, voilà, je sais pas, j'étais à peu près obligé de dire ça en ces termes, quoi. Voilà, ça, c'est vrai qu'on passe toujours pour débrancher un peu concon la praline hein, sur Nova. Concon la praline, vous. Oui. Pas cucu la praline, concon c'est concon la praline. Eh bien, c'est bien. Écoutez, je suis en compagnie, donc, Mélanie Bauer, Marius Colucci, outre notre invité Vianney qui est en tournée en France, qui sera à Brest le 28 avril, eh bien, il y a aussi Guillaume Meurice. Oui. Qui, alors, vous, c'est pas les sujets cucu la praline, vous. Bah, alors, aujourd'hui, un peu quand même, on va parler. Répartie, on va bosser un petit peu la répartie parce que c'est vrai que c'est mon outil de travail hein, moi pour mes chroniques, la répartie, comme peut l'être par exemple le goût pour la musique électro-austro-hongroise pour Mélanie. Ouais, hein, c'est sûr que si vous aviez du goût, ça se saurait, hein, Maurice. Ah ouais, ça ouais, saurait ouais, ouais, et ça vous savez saurait. Quoi, Bauer moi, je... Bon voilà, alors la répartie, ça s'apprend, ça vient pas comme ça. Et un livre vient de sortir précisément sur le sujet, on en a un peu parlé hier dans cette émission, un livre qui s'appelle Et si je répondais du tac au tac et qui forme donc à l'art de la joute verbale. Du coup, moi, ça m'a intéressé. J'ai appelé ce matin un des co-auteurs, Bruno Adler, pour en savoir un peu plus. Alors, Bruno, son métier, c'est coach en management. Alors, qu'est-ce qu'un coach en management ? Ça suppose d'accompagner des managers pour qu'ils puissent se sentir mieux dans l'exercice de leurs fonctions, en entraînant au maximum leur équipe. Vous êtes donc une sorte de coach de coach. J'invite effectivement les managers à pouvoir pratiquer le coaching plus que le pouvoir, oui. Mais alors qui est-ce qui vous coach vous-même ? Ah, on est toujours supervisé en tant que coach. Ah, vous avez un super coach. J'ai un super coach. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est entre deux bonnes mains. Alors peut-être j'aurais dû contacter directement le super coach, mais bon, j'imagine que lui aussi est un super coach, hein, et ainsi de suite jusqu'à Chuck Norris. Jusqu'à Dieu. Voilà. Ou Jacques Attali. Ah, okay, voilà, une sorte, voilà. Ce sont les deux seules personnes, hein, qui semblent jamais douter de leur connerie, donc voilà. Alors, les conseils de répartie, on en a quelques exemples, hein, dans le livre de Bruno. Alors je vous en donne un comme ça. Si vous êtes embêté par quelqu'un de plus petit que vous, vous pouvez dire, je cite, « Quand on mesure 1m30, on a la colère discrète, monsieur. » Fin de citation. Ça marche, hein. Je vois que vous me regardez comme ça avec un air circonspect. Mais ce serait pas d'Audiard, ça, par hasard. Ça fonctionne. Peut-être, ça ressemble un peu. Mais alors du coup, les attaques physiques, c'est bien ça, Bruno ? C'est-à-dire que quand je sais que une même personne régulièrement va m'attaquer, bah là peut-être que je peux me permettre de trouver chez cette personne quelque chose qui va le marquer et pouvoir le souligner. Alors ça peut être sa taille, c'est une exemple qu'on a pris. Tous les coups sont permis. Hein, bah non, parce que s'il fait 130 kilos en face et que j'en fais 50, vaut mieux pas. Oui, faut pas oublier d'être un peu lâche quand même. Faut pas oublier les risques du métier, ouais. Voilà, donc vous avez compris, hein, faites le malin, mais avec des personnes en position d'infériorité, hein, uniquement. C'est la première leçon à retenir. Alors, s'il est petit, vieux et chauve, alors allez-y, hein, lâchez-vous. Enfin, sauf si c'est Bernard Cazeneuve, évidemment. Hein, faites gaffe. C'est quelqu'un qui peut vous assigner à résidence si vous mangez du tofu, donc faites attention quand même. Alors, deuxième technique de répartie, ce qu'on peut appeler le « ouais, bof ». Hein, on vous dit quelque chose, puis répondez « ouais, bof hein. ». C'est bien ça, Bruno ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est plutôt le « pfff, ouais ». Le « ouais, ouais ». Ouais, bon. Vous conseillez ça, le pff, ouais. Ouais, le ou pas, le, enfin, une espèce de mou d'intention après chacun ses mots, mais qui, pff, ouais, je sais pas, ça pas. C'est un peu le par la main, quoi. Par la main, ou ouais, c'est tout ce que tu peux faire. Bon, dans le ton, c'est ça que je pense à ça. Ah bon, c'est tout ce que tu peux donner. Bon. Pas terrible, quoi. Ouais, alors ça, c'est pas mal quand même dans un débat, je dirais, hein, par bien exemple. D'accord. Ah, c'est vrai. C'est... Je sais pas, ou imaginons Giscard, là, quand il a dit à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Imaginons que Mitterrand ait répondu, ouais, bon. Franchement, c'est pas terrible, Valoche, là, sur le coup. L'histoire aurait certainement pris une toute autre tournure. Parce que la répartie, elle est utile en politique, bien sûr. Alors, j'ai proposé à Bruno une mise en situation. Si, par exemple, Jean-François Copé nous dit, je suis un exemple d'honnêteté, qu'est-ce qu'on peut lui répliquer du tac au tac? Vous avez une forme d'honnêteté qui vous est très propre. Ça, je lui dis ça et c'est bon, ça va le calmer. Ben, vous avez une honnêteté qui n'est pas partagée par l'ensemble des Français ou des journalistes. Vous avez une façon de voir l'honnêteté que Fillon envisage différemment. Ça, c'est bien comme répartie. Après, dire à Copé, ouais, avec les choses que vous avez, avec laquelle vous avez, vous faites pas forcément honnête. Ça peut sur le physique, mais je suis pas sûr que ça a un impact. Non, c'est pas certain, hein, c'est pas certain. Encore que je vous rappelle que sur le plateau de la chaîne LCI, Eric Woerth a quand même prononcé cette phrase incroyable. Est-ce que j'ai une tête à couvrir la fraude fiscale? Alors, c'est vrai, il l'a dit, hein. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein. Voilà, vous pouvez lui répondre oui, clairement, Eric. Enfin, disons plus que celle d'un professeur de Zumba antillais, hein, par exemple. Autre mise en situation, alors qui concerne directement Bruno. Bon, par exemple, si je vous dis, bon, j'ai lu votre livre, il est tout pourri. Vous me répondez quoi? Ah oui, bah c'est votre opinion, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, ça c'est votre répartie? Quand je suis pas effectivement en position de tout de suite trouver un bon mot, et c'est pas ce qu'il faut chercher, c'est au moins d'amortir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous soyons factuels. Ah mince, là j'aimerais bien vous répondre un truc hyper bien, mais j'ai pas la répartie. Ah bah ça c'est à vous de choisir, je vais quand même pas vous donner les armes. Ah bah si, justement, c'est vous qui apprenez la répartie, donc... Mais je vais pas quand même vous donner des billes pour m'attaquer. Ah bah si, justement, c'est ça qu'il me fallait, moi. Mais au moins vous êtes persévérant, c'est déjà pas mal. Ah, je vais y arriver donc ou pas continuez. À la fin alors. Vous pouvez, oui, oui, sauf que j'ai un rendez-vous bientôt. Ah, la fuite reste encore la meilleure solution possible, hein, quand on n'a pas la bonne répartie. La fameuse technique du « bon, t'as de la chance parce que j'ai pas le temps, mais sinon je t'aurais fumé ta race ». Alors pour conclure, posons-lui quand même une dernière question. Où est-ce que Bruno puise son inspiration? Est-ce que le « c'est celui qui le dit qu'il y est » a encore la cote? Est-ce que c'est une bonne répartie, ça? Oui, ouais, les ados. Je m'inspire pas mal des ados, j'ai l'avantage d'avoir 6 ados qui viennent souvent à la maison, oui. Ah ben voilà, c'est ça le secret, gardez votre âme d'adolescent et ne laissez personne vous faire taire. Au mieux, vous deviendrez le leader de l'insurrection, au pire, vous finirez chroniqueur sur France Inter. Guillaume Meurice, merci, on est toujours avec Vianney qui nous rend visite et on va reparler un petit peu écoute musicale. C'est la fête au magazine Society qu'on a lu de oui, long en large et en travers et qu'on vous conseille cette quinzaine. Il dresse le portrait du créateur de Spotify, le Suédois Daniel Ek. La musique disponible en streaming a bouleversé notre écoute, mais elle peut aussi aussi bouleverser la musique elle-même. Daniel Ek imagine le futur où des gens vont composer de la musique à écouter spécifiquement pendant le sommeil, ce qui assure quand même 6 à 8 heures d'écoute en boucle. Hein. D'où l'idée, par exemple, d'un album de silence. Je propose d'ailleurs qu'on lance tout de suite un extrait. Alors, apparemment, il y a un souci technique, le morceau démarre pas. Ah voilà, ça démarre, c'est la 2. Voilà, là c'est la 2. Voilà, je propose qu'on la laisse tourner directement pendant que je continue à parler, parce que je peux vous dire, l'album est génial. La 4 du disque est géniale, c'est la 4 qui vient de commencer derrière, là. J'adore ce passage, et voilà. Vraiment, et ma préférée, clairement, voilà, c'est le morceau caché à la fin du disque dont on est en train d'écouter un extrait. Thomas VDB, Vianney, vous écoutez, vous, de la musique en streaming pour pouvoir une variété de choix incroyable? Très pratique. Ah ouais, très, c'est vrai? Très pratique, ouais. J'étais sur Spotify, d'ailleurs, au début. Ouais. Et puis, j'ai changé. Voilà, j'ai fait mon Patriot. Et puis, j'ai fait aussi mon petit... je suis allé chez Deezer. Ouais. Et puis j'avais une ex qui était suédoise. Ça m'a permis de tourner la page. J'ai dit voilà, je m'en fous les Suédois maintenant. Voilà. J'ai eu ma petite période, mais c'est très pratique. Voilà. C'est clair que sur mon bulletin de droit d'auteur, c'est ridicule. Ouais. Donc vous n'avez pas de... Enfin, alors vous vendez énormément d'albums, donc vous... Ça, voilà, non, c'est mais même... Enfin, je réfléchis même pas comme ça. C'est que je pense qu'il y a... les artistes méritent plus que cette part-là du gâteau. Ouais. Ils méritent davantage, c'est une évidence, quoi. Et pourtant, j'ai le droit de dire que c'est un moyen incroyable pour écouter la musique, découvrir plein de trucs. Mmh. Et alors, quand Spotify dit « Tiens, moi, quand je vois l'avenir, ce serait que les gens écoutent de plus en plus. » Donc, par exemple, qu'ils écoutent la nuit. Et ça peut créer des petits... Comme il y a un petit malin qui a fait un disque de silence pour toucher des royalties. Et finalement, il a été retiré de Spotify. Qu'on utilise la nuit et qu'il y a des créateurs qui créent de la musique de nuit pour toucher des royalties sur Spotify et que ça conditionne un peu la musique. C'est une question... Je ne comprends pas ce délire, quoi. Non, mais franchement, c'est là, je sais pas si c'est chercher des solutions. Ouais. On n'est plus dans la création. On est dans là, ça devient un peu ridicule. On est dans la monétisation des choses. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de l'une des playlists les plus écoutées sur Spotify? Ouais. Aucune. Vous, par exemple, vous écoutez quoi dernièrement? Ce que vous avez, le nom que vous avez tapé dans la recherche. C'est un mec qui s'appelle, c'est un groupe norvégien qui s'appelle Lucas Graham. Ah oui. Voilà. Ça permet des découvertes, donc. Ouais. Eh bien, sachez que c'est Peaceful Piano Classique. Ah, mais c'est ce que j'écoute aussi. Ah, c'est vrai. Ouais. Voilà. Pour comme ça, vous pouvez faire. Voilà. Apparemment, les gens écoutent ça pour pouvoir faire autre chose en même temps. D'accord. Ça marche très très bien. Musique d'ambiance. Pour voilà. La vaisselle, c'est super. Eh bien, justement, puisque vous avez le crachoir Meuscolucci, montrez votre savoir-faire à notre invité Vianney, qui nous fait le bonheur d'être avec nous. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous parler de robotique. Donc voilà, alors aujourd'hui on est un peu habitué aux robots qu'on voit dans les usines d'assemblage par exemple, hein, pour effectuer des tâches difficiles. Mais on voit de plus en plus apparaître des robots comme les caisses automatiques, les robots aspirateurs ou la voiture qui conduit toute seule. Alors ça c'est un bon exemple, la Google Car, hein, qui pour l'instant ne circule que sur des itinéraires qu'elle connaît par cœur, n'a jamais eu d'accident. Alors ça intéresse énormément tout le monde, parce que si ça se démocratise, ou plutôt quand ça va se démocratiser, parce que ça va sans doute faire comme les téléphones portables, en 10 ans tout le monde en aura une, et il n'est pas impossible qu'un jour, puisque elle a des très bonnes statistiques, on n'autorise plus que les robots à circuler et plus les humains. Alors, ça peut être super, hein. Moi qui n'ai pas le permis, je pourrais avoir une voiture, c'est vachement bien. Mais pour les taxis, par exemple, qui sont déjà bien emmerdés en ce moment, voilà, forcément, ou les chauffeurs routiers, les ambulanciers... Sur la gueule de qui ils vont taper, alors? Et c'est ça. Et non, malheureusement, ils vont devoir tout bêtement changer de métier d'ici 20 ans, parce que ça n'existera plus, tout bêtement. Et il y a plein de métiers comme ça qui vont vraiment disparaître. Jusqu'ici, on était habitués à voir disparaître les métiers les métiers qu'on appelle les cols bleus, donc les travailleurs, les prolétaires, mais petit à petit, c'est en train de gagner aussi les cols blancs, donc les métiers qui ont un minimum d'instruction scolaire. Alors, il va falloir s'adapter, évidemment. Mm-hmm. Par exemple, vous avez déjà un robot chirurgien qui s'appelle le Da Vinci, qui marche très bien. Alors, je vous rassure, il est quand même commandé par un vrai chirurgien qui supervise, mais il tremble jamais, il est extrêmement précis, il marche très très bien. Donc, combien de temps il faudra pour qu'il ait de meilleures statistiques que le chirurgien et qu'on lui fasse plus confiance qu'à un humain? Ça pourra arriver. Et encore une fois, c'est super, hein, si on arrive à 100% de réussite opératoire, c'est très bien, tout le monde est très content. Mais les chirurgiens aussi peuvent commencer à penser à un éventuel changement de profession dans les 20 ans à venir. D'ailleurs, Bill Gates, qui s'y connaît assez bien sur ce sujet et qui dit rarement des conneries, prétend qu'en 2035, il n'y aura plus d'infirmières. Elles auront toutes été remplacées par des automates. D'ailleurs, la plupart des analystes disent qu'en 2035, donc dans 20 ans, 50% des emplois qu'on connaît aujourd'hui auront disparu et 90% en 2050. Donc, pour nos enfants, bande de petits vénards, il ne reste plus qu'à inventer les métiers de demain. Et donc, ne leur demandez pas « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Parce que personne ne sait répondre à cette question aujourd'hui. Hein. Ça, c'est évidemment surtout pas les politiciens, malheureux. Alors, il y en a qui savent à peu près ce qu'on va faire demain, c'est les patrons d'Uber. Eux, ils vous proposent de faire plein de petits boulots, sans aucune sécurité sociale, ni aucune couverture sociale, ni aucune sécurité d'emploi, pardon. Parce que, effectivement, avec les applications qu'on voit aujourd'hui, type Uber, qui permet d'être auto-entrepreneur, l'argent va directement aux États-Unis sans payer d'impôts en France. Donc, on peut plus avoir d'argent dans les caisses de l'État pour payer les allocs. Et à terme, ça risque d'être chacun son trou de la sécu, tu te démerdes. Alors, ce qui nous reste à nous, les humains, c'est justement le côté humain. Donc, les services, créer des applis pour les robots, être réparateur de robots. Au début, moi, je m'étais dit ça, mais non, manifestement, c'est les robots qui vont réparer les robots. Et puis, il reste, ce qui nous concerne autour de cette table, c'est la culture. Du moins, dans un premier temps. Parce que, vous le savez sans doute, vous qui êtes journaliste, il existe déjà le robot journaliste. C'est un algorithme qui cherche sur Internet des infos et qui rédige les articles tout seul. C'est d'ailleurs à cause de ça que l'année dernière, on avait annoncé la mort de Martin Bouygues, le propriétaire de TF1. Mmh. En fait, c'est un homonyme qui était mort, mais comme il n'y a personne qui vérifie, forcément, l'information est passée tout à fait tranquillement. Parce qu'évidemment, ce qu'on appelle ces intelligences artificielles sont en fait des débilités artificielles. Parce qu'elles n'ont pas de conscience, elles ne prennent aucune décision. Du coup, pour l'analyse et le contenu personnel, c'est pas vraiment gagné dans un article journalistique. Mais justement, c'est exactement ça qui intéresse les puissants, parce que des médias sans libre arbitre, c'est super. Hein. Napoléon, par exemple, c'est le premier truc qu'il faisait quand il arrivait dans un pays, il interdisait la presse et il mettait ses propres journaux. Ça marche très bien, c'est une bonne façon de faire... À sa manière. Voilà. Alors, ce que je vous raconte, ça n'est malheureusement pas de la science-fiction. C'est des choses qui existent déjà, qui commencent à se mettre en place petit à petit et qui donc vont arriver. Alors, c'est pas la peine d'aller vous plaindre, faire des manifestations, parce que ça ne changera rien. Au contraire, il vaut mieux s'habituer à faire plusieurs métiers dans sa vie et même plusieurs métiers à la fois, et surtout à s'interroger sur ce que va devenir la couverture sociale pour nos enfants, parce que j'ai vérifié, et sur les smartphones, pour l'instant, il n'y a toujours pas l'application Sécurité sociale. Merci Marius Colucci, tête bien plaide et bien faite, comme celle de notre invité d'ailleurs, Vianney. On va un petit peu exploiter votre parcours là dans ce troisième sujet, parce que vous avez fait le lycée militaire Saint-Cyr et aussi du stylisme, vous avez tout fait vous. Troisième sujet, les défilés de prêt-à-porter ont démarré à Londres. Bon, en général, nous, on s'en tamponne un petit peu, mais quand le Figaro explique que les envolées stylistiques et les chocs de matière ne résistent pas à la morosité ambiante, interpelle, d'autant que le style vestimentaire, ça dit des choses d'une personne. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Le cave se rebiffe. Alors, quand j'ai lu cet article ce matin dans le Figaro, Vianney, je me suis dit, vous allez peut-être pouvoir nous aider, vous qui avez fait des études de stylisme, tout en n'ayant fait l'école, le lycée militaire Saint-Cyr, parce que vous aimiez l'uniforme. Ouais, c'est ça. Peut-être ça vient de là, à force de voir les uniformes, d'avoir envie de créer des vêtements, c'est ça ? Ouais, je crois que j'étais vraiment entouré de gens qui ne s'habillaient pas, et moi-même je ne m'habillais pas, je ne sais toujours pas le faire. Donc, j'ai fantasmé peut-être un peu le vêtement, quoi. Voilà. Alors, le Figaro nous explique, en parlant des défilés de prêt-à-porter à Londres, alors que la probabilité d'un Brexit va grandissant, les créateurs répondent par un monologue intérieur sur la psyché féminine et ses visions sombres. Est-ce que vraiment la mode et la création est imprégnée de la société et vous, quand vous avez créé ça, ouais ? Ah oui, complètement. Donc là, vous comprenez la phrase, vous. C'est ça l'idée. Je crois que je vois où ils veulent venir, ouais. Non, si, c'est évident. Mm-hmm. C'est évident. Et on avait même, je me souviens très bien, en école de style, on avait plusieurs collections à dessiner selon des gens qu'on rencontrait dans la rue, etc., à qui il fallait aller parler, prendre en photo, demander pourquoi ils s'habillaient de cette façon, etc. Et de ces gens, faire une collection. Et je crois que finalement, chaque créateur fait ça. Il essaie juste d'avoir un temps d'avance et de montrer une certaine voie. Mm-hmm. Mais pour autant, il s'inspire évidemment de ce qui se fait. Et je crois qu'il y a la situation en Angleterre et chez nous, on a connu chacun des années un peu étranges qui font peut-être qu'on n'a pas envie d'être spécialement excentrique cette fois-ci. Ah. Et je sais pas, c'est comme ça que j'interprétais moi quand j'ai vu cet article. Probablement. Pourquoi pas, effectivement. Alors l'article explique aussi que la moitié de la collection inclut des corsets. Nous y voyons un peu d'austérité et de se serrer la ceinture. Hashtag et là, Éric Zemmour. La ceinture est très très très très large dans ce cas-là. Vianney, le styliste, avec nous. Et alors Vianney, le comédien maintenant. Ah, alors. On a une proposition indécente à vous faire. Évidemment. Oh, vous êtes tellement bon camarade. Alors. Je suis sûre que vous allez dire oui. Allez, je suis poli. On a un petit rôle à vous proposer dont le texte est écrit. Donc pas d'improvisation, vous êtes tranquille. Alors, est-ce que vous savez que ce soir, Bruno Le Maire va se déclarer candidat à la primaire des Républicains ? Non, j'ignore. Eh ben voilà, vous n'êtes pas au courant, heureusement qu'on est là. De les Républicains, on peut même dire. De les Républicains, ouais. Oui, c'est vrai, sinon on tombe dans leur piège sémantique. ça va avoir lieu à Vesoul, figurez-vous, et nous avons l'avant-première. Donc moi, je vais jouer Vianney, hein, c'est un chanteur à la mode en ce moment. Et vous allez jouer Bruno Le Maire. On y va, c'est parti. Bonjour. C'est pas ma voix du tout, Zabarot. Bonjour. Voilà, merci. Monsieur Vianney, merci d'être venu. Merci, Bruno. Vous pouvez m'appeler Vianney. C'est mon prénom, en fait. Bon, n'en fais pas trop non plus, là. désolé, je mets du temps à être à l'aise avec les gens. Appelez-moi Bruno Le Maire. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors voilà. Peut-être que vous le savez, mais je viens de me déclarer candidat à la primaire des Républicains. Ah bah, vous avez même déclaré que vous allez gagner, oui, donc félicitations. Merci beaucoup. Et pour ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour écrire une chanson de campagne. Mais les délais sont super serrés. Ah bah, ça va, c'est dans plus d'un an, non ? Ouais, mais vous savez, moi je mets 9 mois à déclarer que je suis un candidat, donc c'est relatif. Ouais, d'accord. Donc pourquoi vous avez pensé à moi ? Parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Ah bon ? Ah oui, vous avez des exemples ? D'abord, je suis très connu... Je suis très très beau comme vous. On me rajoute pas de texte. Tout le monde connaît mon nom. Vous êtes sûr que vous êtes si connu, monsieur Leroux ? Le maire, s'il vous plaît. Ah, vous êtes maire ? Non, enfin, je suis candidat. À la mairie ? Non, enfin, c'est mon nom, je m'appelle Bruno Le Maire. Ah oui, d'accord, oui. Bon, on en était où ? Vous disiez que tout le monde connaissait votre nom, donc comme moi, c'est ça, hein ? Oui, comme vous. Et comme un peu cette image BCBG propre sur moi. Déjà vieux alors que je suis jeune. Oh, vous êtes dur avec vous-même. Enfin, surtout avec moi, là, du coup, en l'occurrence. Mais je vous admire. Vous osez les couleurs pastel avec la coupe Playmobil de Pujadas. J'ai besoin de quelqu'un qui a votre courage. Je sais pas si je dois dire merci, là. Du coup, je peux m'asseoir ou... Enfin, faites gaffe, c'est tout du mobilier Ikea. On a dû économiser. Ah. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à vous. Ah, parce que j'étais le moins cher, c'est ça ? Enfin, pas tout à fait. Il y a l'Alan qui a proposé de le faire gratuitement. Ah oui, et vous avez dit non, du coup ? On a préféré le payer pour qu'il fasse une chanson en soutien de Sarkozy. Oh, Vianney, merci. Mais vous êtes super bon camarade. Il sait tout faire. Le gars sait tout faire. Le gars sait tout faire. Il est styliste, il est chanteur, il est comédien, il est engagé socialement. Sauf des chansons punk chinois. Il sait pas et du coup, ça plaît pas à Bauer. Merci beaucoup, Vianney. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je ne passe pas sur Nova pour info. Ah, c'est vrai. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'ils font, Nova ? Il y a l'album, évidemment, Idée Blanche. Et puis, c'est un citoyen engagé, Vianney. On rappelle que vous êtes en tournée à Brest. Vous serez le 28 avril à Paris à l'Olympia le 10 mai, à Genève le 17 mars et à Luxembourg le 7 avril. Merci beaucoup d'avoir passé Merci ce moment vous, avec Charlie. Nous. C'était Merci. Un plaisir. Marius Colucci, vous serez le vendredi au Sentier des Halles. Oui, jusqu'au 1er avril pour l'instant, voilà. Tous les vendredis. À 21h. C'est exact, 21h30. Merci Mélanie Bauer et merci Guillaume Meurice. Le mot de la fin au préfet de police de Calais qui est prêt à évacuer la jungle avec tact et dialogue. Bon les gars, paré pour la démolition !